À l'occasion du 23e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, la maison d'édition Atsui Media Print de Berlin, Allemagne, a fait paraître en brochure son œuvre classique, réunifiant le pays en toute indépendance et par la force unie de toute la nation. La cérémonie de parution a eu lieu à la maison d'édition.